Parfois je me demande, mais qui est Dieu? Mais où est Dieu? As-tu cette réponse? Peux-tu me dire qui donc est Dieu? Que fait Dieu? Mais que dit Dieu? As-tu cette réponse? Peux-tu me dire que fait donc Dieu? Je me demande, mais qu'en est Dieu? Mais qu'en meurt Dieu? As-tu cette réponse? Peux-tu me dire qui a fait Dieu? Mais qui est Dieu? Mais où est Dieu? Écoute ses réponses, accueille-les, lui qui est Dieu. Alors ouvrons.